Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez cestfou.ca. On s'appelle et on déjeune. Une présentation du service aux étudiants de l'UQTR. Donc, on reçoit maintenant quelqu'un qui a un macaron de Abba sur son sac à dos. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'elle a de mauvais goûts musicaux. C'est Sophie Laforêt avec ses choix de Sophie. Stéréotonine ce matin. Mais c'est bon Abba, de toute façon. Ouais, c'est pas pire. Mais Mamma Mia est bonne. Je trippe là-dessus. Ben, c'est vrai qu'ils ont une coupe de tune Waterloo, c'est bon. Chiquitita. Moi, j'aime ça, Chiquitita. Je trouve ça un petit côté mélancolique. Je te regarde avec les yeux perplexes. Okay. En tout cas, je te prêterai le greatest hit. Ah, ben pourquoi pas? Ben moi, c'est Waterloo que j'aime vraiment bien. La mélodie est bien faite. Oui, oui, oui. J'aime cette pièce-là aussi. Donc, Sophie, tu viens de parler des Sophie CD. Les Sophie CD. Oh! Hey, un autre chronique pour une prochaine fois, peut-être. Ben oui, qui sait? On est le 17 mars aujourd'hui. Hier, c'était le 16 mars et il y avait des sorties CD. Hey, 17 mars, c'est l'Assemblée générale de C'est fou aujourd'hui. Hey, à 11h30. Ben oui, à 11h30 au 10-12. Il faut être là. C'est la fête des Irlandais aussi. Kiss me, I'm Irish. C'est le bar ouvert aussi. Le bar ouvert du bac vert en même temps. Mais ce qui est bien avec l'Assemblée générale, là, c'est comme on invite les gens de tous les programmes, c'est vraiment une belle occasion de faire des rencontres. Ah, oui. Donc, l'âme sort est peut-être à l'Assemblée générale. Oh, hey, c'est pas fou. Hey, d'ailleurs, moi, j'ai déjà... premier contact avec une de mes copines qui avait eu lieu à l'Assemblée générale, là, c'est fou, il y a 2 ans, hein, quand même. Tu vois, alors, t'es la preuve vivante que ça se fait. Et c'est une histoire vraie, là. C'est une histoire vraie. Ouais. Vrai comme on est là. Donc, pour en revenir à nos sorties CD. Oui. Donc, hier, il y avait 3 sorties CD intéressantes. La première, j'en ai parlé lundi. On a reçu le disque assez fou. C'est Tricot Machine. Oui, Tricot Machine. Avec la prochaine étape. Moi, j'aime Tricot Machine. Donc, je fais partie des gens qui aiment Tricot Machine. Ben, d'ailleurs, là, j'aimerais bien en passer, mais Dany Janvier a pris le disque en otage. Fait que je peux pas... T'as juste la pochette. Je l'ai ici. Ah. Mais hier, je l'avais pas. Puis en dedans, il y a des bricolages même. Ben oui, des bricolages. Je peux même faire la même chose que sur la pochette, un bricolage. Donc, un bon album. Je vous avoue, j'ai écouté deux extraits seulement pour l'instant, puis je les ai aimés. Donc, pour ceux qui aimaient le premier disque de Tricot Machine, ça se poursuit. La seule chose, moi, que je dirais positivement, c'est que les arrangements sont beaucoup plus étoffés que sur le premier, mais ils ont gardé le côté naïf et enfantin que moi, j'aimais, en tout cas, sur le premier Tricot Machine. Mais tant mieux. Hey, écoute, on va aller en écouter tout de suite après la chronique. Ah, bon. Alors, restez à l'écoute de On s'appelle et on est jeunes. Vous aurez la chance d'écouter un extrait de Tricot Machine. Sinon, il y avait The White Stripes qui ont fait paraître leur 7e album hier. Oui. Hey, ça a passé en dessous de mon radar, ça. J'ai retrouvé l'amour que j'avais pour les White Stripes quand j'avais écouté le film It Might Get Loud avec Jack White et Jimmy Page et l'autre là, qu'on ignore. Mais donc, je savais pas. L'autre, c'est juste le gars de YouTube, là? Ouais, ça, okay. The Edge, mais tu sais, bon, tel que tel. Okay. Mais quand même, donc, je savais pas ça. Tu me l'apprends. Ouais, l'album, leur 7e album qui s'appelle Under Great White Northern League. L-I-G. Great White Northern League. League. Et c'est donc ce duo de Détroit qui est formé depuis 97. Et j'ai en regardant leur discographie, je me rendais compte que c'est la pièce Seven Nation Army. Ouais, Seven Nation Army, ouais. Ça fait déjà 7 ans. Ouais, c'est fou, c'est hein. Sorti le 1er avril, ça va faire 7 ans. J'en revenais pas. C'est débile. J'étais il y a 7 ans, j'étais au secondaire. Mais moi, j'avais l'album d'avant. Puis je trouvais ça hot parce que pour moi, c'était un groupe underground. Là, Seven Nation Army est arrivé. Tout le monde a trippé là-dessus, fait que j'avais perdu ma priorité là-dessus. Son exclusivité musicale avec les White Stripes. Ouais. Puis une troisième et dernière sortie d'album qui m'a intéressée, donc en date d'hier, c'est Jeanne Chéral, qui est une auteure-compositrice interprète française avec un 4e album qui s'appelle Charade. Charade. Donc, c'est les 3 sorties intéressantes de la semaine. Sinon, pour la chronique d'aujourd'hui, je voulais vous parler de Carquois. Oui, Carquois, qui est un groupe bien connu, un excellent groupe de la scène indie-rock québécoise, donc qui chante en français. Et on a appris, en fait, moi j'ai appris, la semaine dernière, qu'il allait faire paraître un 4e album le 30 mars prochain. Donc, C'est dans pas long? Ben oui, c'est dans 2 semaines. Je pensais que c'était dans longtemps. Dans 2 semaines. Donc, on est vraiment gâtés de ce temps-là. Il y a vraiment de bonnes sorties CD. Le printemps amène ça, ça a l'air autant que la rentrée. Et l'album va s'appeler Les Chemins de Verre et il va paraître encore une fois sur l'étiquette Audiogramme. Donc, la pièce titre de l'album est disponible aujourd'hui sur iTunes et c'est la pièce qu'on va entendre dans quelques instants. La pièce titre de l'album, donc, qui s'appelle également Les Chemins de Verre. Et Carquoi, qui est selon moi un des meilleurs groupes, comme je le mentionnais, indie rock de la scène québécoise, donc qui est paru au début des années 2000. Une excellente formation. Carquoi, c'est assez incroyable. C'est du gros calibre, là. Ouais, je veux dire, ils vont faire des tournées en Europe. Puis en tout cas, je trouve que autant musicalement que dans les textes, c'est un groupe qui est tout à fait complet. Et d'ailleurs, la seule chose qu'il va falloir que je règle cette année avec Carquois, c'est d'aller les voir en spectacle une première fois. C'est jamais arrivé. T'étais pas encore étudiante à l'UQTR quand ils sont venus faire leur show devant 60 personnes et que c'était très décevant de voir que tout le monde n'était pas là. Non, j'étais pas là encore à l'UQTR. Quand... Est-ce que ça fait plus que 2 ans? Moi, j'arrive à l'automne l'an passé. Ça fait 2 ans, en fait. C'est pas la dernière rentrée. C'est pas l'autre d'avant. C'est l'autre d'avant. L'autre que j'étais pas là. C'est ça. Ouais, non, c'est ça. Puis donc, le groupe a été formé en 98 à partir du concours Cégep en spectacle. Donc, c'est de là que c'est parti, Carquoi. Et donc, Louis-Jean Cormier, qui est chanteur et on peut dire leader du groupe, et en fait, le génie musical de Carquoi, et ami aussi de différents artistes, dont Marc-Pierre Arthur, il a collaboré à son plus récent album éponyme l'an dernier. Et donc, en 2008, Carquoi a reçu 4 prix à la disque, en 2009, 2 prix. Et Louis-Jean Cormier a reçu en 2009 le prix du meilleur réalisateur pour la compilation 12 hommes rapaillés, qui est un album en hommage à Gaston Miron, qui est un poète québécois. Mais oui, on en passe une fois de temps en temps ici. On s'appelle Les Jeunes en plus. On aime ça. Yes. Donc, sans plus tarder, on va entendre, et là, ouvrez bien vos oreilles parce que c'est comme un genre de, pas d'exclusivité, mais tu sais, c'est tout chaud encore, cet extrait-là, Les Chemins de Verre de Carquoi, qui est disponible en écoute sur lecarquois.com ou, comme je le mentionnais, sur iTunes à l'achat numérique dès aujourd'hui. Parfait. Merci beaucoup, Sophie, pour le moment, parce qu'on s'en va écouter ça, mais on va revenir après pour conclure le tout. Donc, voici Carquoi et les chemins de verre sur les ondes de C'est fou, 89.1 FM. On s'appelle et on déjeune jusqu'à 9h.